On va parler de boxe avec notre ami Bernard Barré. Arthur Beterbiev remonte dans le ring après une absence de un peu plus de. Pas loin de 18 mois. On en parle avec Bernard. Salut Bernard! Hey! Salut Danny! Ça va bien, ça va bien. Bernard, on va parler d'Arthur Beterbiev qui remonte dans le ring. C'est bien 18 mois à peu près, hein, qu'il n'est pas monté dans le ring, lui? Ouais, c'est ça. Depuis la raclée qu'il a donnée à Vosdick et Alec Vosdick, qui lui avait enlevé la ceinture à Dennis Stevenson. Donc, ouais. À ce moment-là, ça donnait l'occasion à Arthur Beterbiev de devenir champion unifié. C'est la première fois qu'un Québécois, parce qu'on peut considérer maintenant Beterbiev comme un Québécois, va défendre un titre unifié. Donc, ça, il marque l'histoire. OK. Quel genre de combattant que c'est, son adversaire? Adam Dean, c'est un Russe de naissance, mais qui fait carrière en Allemagne. Okay. La particularité qu'il a, c'est un boxeur gaucher. Okay. Donc, c'est sûr que ça peut amener une certaine complication à Arthur Beterbiev, mais Beterbiev, dans sa longue carrière amateur et quelques cours professionnels aussi, il en a vu, il a tout vu, lui, Beterbiev. Mais c'est sûr que Deans va jouer là-dessus. Lui, qui est le cinquième aspirant IBF, qui est un aspirant, finalement, optionnel et qui a l'occasion là, de créer de la surprise parce qu'il est loin d'être favori avec un combat contre Beterbiev, qui est considéré actuellement par les experts comme le meilleur mi-lourd au monde. OK, ah ouais, c'est tout qu'un boxeur, là. Donc, je lisais les commentaires, ça risque d'être très, très court aussi, là. Ouais, ben là, c'est sûr que Beterbiev, il a de la rage dans les gants. Il a 15 victoires, aucune défaite, 15 victoires par knock-out. Il n'est pas pour les longues fréquentations. Donc, s'il y a une chance de faire mal à Deans en partant, puis s'en débarrasser, plus court ça va être, mieux ça va être pour lui. Combat va voyager à Moscou. Ouais. Donc, Beterbiev, il veut épater la galerie, là. Dans le fond, lui qui a représenté la Russie à deux Jeux olympiques, qui était champion du monde amateur, champion de la Coupe du monde, tu sais, qui a fait une carrière exceptionnelle chez les amateurs. Donc, c'est certain que là, chez les professionnels, il veut laisser un bon souvenir à ses amis avant de revenir au Québec. OK. Donc, ça devrait être chose facile. Maintenant, on va parler de il y avait Oscar Rivas qui remontait dans le ring. Qui remontait dans le ring, c'est quoi? C'est mardi à Québec. Et c'était une belle victoire d'Oscar Rivas. Oui, Rivas, c'était facile. C'était 3 rounds sans problème contre Jacques-Louis, qui n'avait pas boxé depuis 4 ans et demi. Rivas, lui, ça faisait près de 2 ans avec tout ce qui est arrivé avec la pandémie. Et là, Rivas, ben, il n'avait pas le choix de bien paraître, puisqu'il était en attente avec une victoire. Il se mettait en position pour la nouvelle division Pro 224 livres, qui est la WBC, ce qu'on appelle les Bridger Weight, les super lourds légers. Donc, pour lui, il risque d'avoir il devrait avoir la chance, il est classé numéro 1 actuellement, WBC. Il devrait avoir la chance de devenir probablement le premier champion de l'histoire de cette nouvelle division de poids-là, qui a été créée pour une question de sécurité, parce que aujourd'hui, les poids lourds ont beaucoup grandi, beaucoup grossi. On n'a qu'à penser à Tyson Fury, qui est neuf. Les gars pèsent 250, 260. Doug Wilder, 6 pieds 7. Joshua, 6 pieds 6, 250. Quand tu regardes ces gars-là, c'est sûr que pour un Oscar Rivas, qui est en 230, puis il va faire le poids 224, il l'a fait à son dernier combat. Dans le combat, il a fait 221 livres à la pesée. Donc, pour lui, à 6 pieds, à affronter ces géants, ça devenait comme compliqué. Mais là, encore là, Rivas est capable de boxer contre tous ces gars-là, mais quand on parle d'un poids lourd, à un moment donné, pas mal moins talentueux ou moins équipé, d'arriver avec des géants comme ça, ça fait comme pas de sens. C'est pour ça que cette division de poids-là a été créée, une question de sécurité, pour donner la chance à ces boxeurs-là d'être capables de se battre entre eux. Tu sais, Danny, dans les petites divisions de poids, là, quand on parle des poids pailles, 160 livres, aller jusqu'au poids mouche à 112 livres, tu as 5 divisions de poids pour 13 livres. Mmh. T'as 5 divisions de poids pour 13 livres, parce qu'on sait, les boxeurs frappent avec un poids, un transfert de poids. Donc, pour une question de sécurité, on ne prend pas de chance dans les petites divisions de poids, alors qu'on laissait aller des gars à 205 livres contre un gars de 270. Mais si c'est un gars de 270 avec une banane, c'est pas trop grave. Mais là, les gars à 270, 260, ils n'ont pas de ligne de graisse. Là. Tu sais, là, c'est comme aïeul, dangereux. Ouais. Mais là, il va affronter l'Arena ou Brian Jennings, que j'ai pu affronter. L'Arena, c'est un Sud-Africain. J'écoutais Yvon Michel l'autre fois, je pense que c'était au 98.5, il disait qu'il veut amener ça à Montréal parce qu'il y a des bonnes chances que ça se passe au Québec. Alors, c'est sûr que si on amène ça à Montréal, il va falloir qu'on aille l'appui d'un réseau américain, là, parce que ça va coûter trop cher. Là. On n'est pas équipé là, dans le moment avec la pandémie pour essayer de mettre du monde dans les estrades. On ne sera même pas capable. Parce que c'est sûr qu'avec un réseau américain, là, la donne changerait. Mais là, oui, comme tu dis, le Rena deuxième ou Jennings troisième. Jennings, les deux sont déjà affrontés. Combat très serré avant que Coscar le passe en carte au deuxième rang. Donc, tu sais, je pense que ça va créer un intérêt. Puis Oscar mérite ça, là. Quand même, lui, qui a représenté la Colombie aux Jeux Olympiques de 2008, qui s'est expatrié ici au Québec en 2009, et puis qui est invaincu. Il a eu 26 victoires en ligne avant de perdre son Dallon White dans un combat que tout le monde se rappelle très controversé, compte tenu aussi de doping que ça a laissé des traces, là, doping qui a été blanchi, mais on se demande pourquoi. Fait que finalement, je pense que pour Oscar Rivas, tous les sacrifices qu'il a fait dans sa carrière, d'avoir l'opportunité de devenir champion du monde, comme son compatriote avec qui il a fait le voyage, Eliezer Alvarez, a été. Donc, je pense qu'il mérite ça, puis on le souhaite que ça se fasse en 2021. OK. Donc, ça va être pas mal intéressant. Je regardais la division de poids, il y a que la WBC hein, qui ont... Oui, mais ça ne sera pas long que les autres vont suivre. Ouais. La WBC a toujours été un leader dans le monde de la boxe professionnelle. Donc, ils ont été des précurseurs dans bien des domaines et c'est pas bien long que les autres suivent. OK. Ben Bernard, on va écouter ça. C'est samedi après-midi à 3h sur les ondes de RDS. C'est toi qui vas être à l'analyse, j'imagine? Non, c'est Yvon. Hein. Okay. On est-tu chanceux de pouvoir vivre ça, de voir ça à RDS avec Yvon et Jean-Paul Chartrand. Donc, en tout cas, on peut être certain que tous les amateurs de boxe vont être devant leur écran, pas manquer ça. Okay. C'est Arthur Beterbiev, les gens l'ont adopté maintenant. Ouais. Bernard, gros merci, on se reparle bientôt. Ça fait plaisir, bonne fin d'émission.